Lettre 56e, Florianus à Valérie, Eboricum, novembre 302. Tu exiges que je te réponde, Valérie. Tu dis que tu en as besoin pour ta tranquillité et pour régler ta conduite. Je remplis donc le vœu de mon ami, mais ne crois pas, Valérie, qu'il y ait de la prudence et même de la possibilité à continuer notre correspondance. La voix secrète de ma conscience et celle de ma raison me disent que je ne dois pas entretenir une relation que nous devons regarder comme rompue par la volonté du ciel. Il fut un temps où une erreur excusable nous entraîna et nous égara au point de former des résolutions téméraires. L'erreur a disparu ainsi que tout espoir. Le ciel nous a parlé trop clairement. Cette lettre est la première que je t'écris depuis le jour fatal qui me montra toute l'étendue de mon malheur, et il est si grand, si complet, que je suis forcé de t'annoncer que ce sera la dernière. Tu me connais assez, Valérie, pour ne pouvoir attribuer cette résolution à l'inconstance ou à une légèreté qui n'est ni dans mes principes ni de mon âge. Je suis incapable de mettre en avant des devoirs pour cacher une coupable indifférence. L'homme qui fait un choix dans l'âge mûr a choisi pour le reste de sa vie. Mais ce n'est pas de moi dont il est question. Je sais que tu as en ton ami une entière confiance, et je voudrais me servir de ce beau sentiment pour assurer ta tranquillité actuelle et ton bonheur futur, puisqu'il ne m'est pas permis d'y consacrer ma vie comme je l'avais espéré. Puissais-je au moins y contribuer par mes conseils ? Réfléchis, Valérie, que tu es la fille d'un puissant empereur et une chrétienne. Il ne t'appartient pas de tomber ainsi dans le désespoir sous les coups du malheur, qui t'a ôté, dis-tu, ce que tu aimes le plus au monde, le seul bonheur que tu aies désiré, celui d'être uni à l'homme que tu aimais. Tu t'es rapproché par le malheur et par la prière de cette sainte femme, qui eut tant d'infortunes à supporter, qui fut privée aussi de tout ce qu'elle aimait au monde et qui remporta de chaque douleur, de chaque orage, la couronne immortelle de gloire. Retire-toi vers elle. Ce culte est juste. Il est innocent, mais ne lui porte pas un cœur livré à un désespoir coupable. Apprends d'elle à souffrir et à supporter. Elle a plus souffert que toi, car un fils est plus qu'un amant, et avec plus de courage. Que son image te soit toujours présente. Elle n'est pas seulement le symbole de l'amour, elle est aussi celui de la patience, de la grandeur d'âme et de la soumission parfaite que nous devons à Dieu. Soumets-toi aveuglément à la volonté de ton père, de ton empereur, et à celle de la Providence. Elle a sans doute ses desseins dans les événements qui ont lieu. C'est elle qui les a tous amenés. Même notre attachement mutuel qui t'a conduit au christianisme. Il est plus que vraisemblable, Valérie, que tu es destinée à quelque chose de grand. Et ce n'est pas à moi à y mettre obstacle. Nous avons reçu du ciel une voix intérieure pour nous faire connaître ce qui est juste. Elle nous a donné la raison pour éclairer notre choix. Et enfin, sa divine doctrine pour nous servir de règle. Embrasse-la avec persévérance, lors même que tu croirais y voir la perte de toutes nos espérances. Pense toujours que ce n'est que pour une vie d'un instant, et que dans le doute, s'il nous est permis de nous l'ôter, il ne vaut pas la peine, pour quelques jours de souffrance, de risquer une éternité de bonheur. Mais il ne peut y avoir là-dessus aucune incertitude. En nous ordonnant la patience et la résignation, Dieu nous a fait connaître sa volonté. Oserions-nous résister à sa voix ? Le pourrions-nous même si nous voulions le tenter? C'est pourquoi, chère Valérie, je te recommande de rassembler toutes les forces qui sont dans ton âme et que je ne connais que trop. Sois patiente, courageuse et par-dessus tout, entretiens ta douce piété. Ne forme plus un souhait condamnable. Ne me laisse plus craindre que tu puisses oublier assez tes devoirs pour porter la main sur toi-même. Sais-tu bien qu'alors seulement nous serions éternellement séparés? Ce n'est que dans le trompeur Élysée des païens que l'âme de celle qui commet un suicide rencontre l'ombre de son ami. Le paradis des chrétiens repousse le frénétique qui croit pouvoir disposer de sa vie comme un lâche qui se soustrait à remplir sa vocation et à supporter les épreuves qui lui sont destinées. Valérie, si tu veux qu'un jour je te reçoive avec délice dans les demeures célestes, moi, que mon âge doit y conduire avant toi, si je sais mériter tant de bonheur, si nous voulons nous retrouver dans ce monde de paix et d'égalité, soumettons-nous au décret de la Providence et supportons courageusement notre séparation actuelle. Adieu, Valérie. Quelles que soient tes peines, quel que soit le nombre des coups qui perceront ton cœur, pense que ton ami souffre avec toi et que ce cœur trop sensible ne reçoit aucune blessure qui ne frappe douloureusement le mien, tout comme le moindre de tes joies le consolera. Ne m'écris plus, je n'ose pas te répondre, ne cherche pas à t'adresser à Constantin, je connais sa situation, il n'est pas en son pouvoir de nous aider. N'oublie pas ce que je te dis, pense-y souvent, et reçois les adieux éternels de celui qui n'est séparé de toi qu'en apparence. »